Ce soir, on attaque une petite série de sujets légers pour l'été. Nico est d'humeur à délirer, il faudra vous accrocher. Il va s'occuper de la partie podcast de Podcast Science. Mais heureusement, nous avons aussi des gens sérieux dans notre petit studio virtuel. J'ai nommé Cyril, le frère de Franck, qui a beaucoup de choses à nous dire et qui va s'occuper de la partie science de Podcast Science. Nous sommes le jeudi 12 juillet, vous êtes sur Podcast Science numéro 94 ou 94, le balado qui fait aimer la science, ou en tout cas qui la faisait aimer jusqu'à la semaine dernière. Bonsoir. Alors ce soir, on va parler de la science des embouteillages. Pourquoi pas ? Avec nous, on a Cyril. Salut Cyril, bienvenue. Bonsoir Alan. Bah merci. Bah, Cyril, donc tu es le frère de Franck ? C'est ça, le petit frère, ouais. Le petit frère de Franck. Ok, donc Franck t'a cédé sa place ce soir. Je ne sais pas si c'était totalement volontaire, il avait l'intention d'être là, mais il a de nouveau eu un petit impondérable. Donc Cyril, toi tu as un travail à présenter, puis tu voulais te roder sur Podcast Science d'abord, c'est ça ? C'est ça, et puis ça me faisait très plaisir de pouvoir participer à cette joyeuse aventure. Eh ben écoute, c'est super, ça nous fait plaisir de t'avoir, et puis ça nous fait très plaisir d'avoir quelqu'un de sérieux avec nous ce soir, ce qui me donne une transition toute facilité pour introduire notre deuxième intervenant ce soir, Nico. Salut Nico. Salut. Bon, Nico, tu as des commentaires à faire sur ce que tu vas dire ? Pas tout de suite, on en parlera après. D'accord, tu gardes la surprise pour la fin. Non, comme tu veux, on peut en parler maintenant. Tu peux peut-être nous dire deux mots, tu vas aussi parler d'embouteillage ? Alors, je vais aussi parler d'embouteillage. La base, la genèse de la chose a été un article de Pour la Science qui tâche d'expliquer pourquoi la file d'à côté avance toujours plus vite. Et comme je trouvais pas beaucoup d'autres sources et que c'est les vacances et qu'on a le droit de faire n'importe quoi, je vais faire ça à la façon d'une pièce de théâtre. Donc on va tenter, c'est expérimental, on va voir ce que ça donne et voilà. D'accord, parfait. On devrait avoir Marco aussi avec nous, mais son chinchilla a bouffé le câble de l'internet. Et je crois qu'il est en train de bricoler, il nous rejoindra dès qu'il peut, dès qu'il a trouvé du scotch pour rafistoler sa connexion. Écoutez, je vous propose qu'on attaque alors sans plus attendre. Cyril, on écoute ce que tu as à nous dire. Très bien. Donc, comme vous le savez, l'automobile, c'est aujourd'hui le moyen de transport le plus utilisé. Mais la surexploitation des infrastructures entraîne des congestions, donc des bouchons, qui sont un vrai fléau, comme vous le savez, et qu'on va donc chercher à éviter. Et pour les éviter, il va falloir les prévoir. Donc tout d'abord, on va chercher une modélisation physique de la route, modélisation qu'on va chercher à valider par l'expérience. Puis, avec cette modélisation, on va chercher à comprendre les embouteillages, voire à les prévoir. Donc on va commencer par poser le problème. Donc en fait, on va s'intéresser à une route toute droite avec une seule voie. Parce que quand il y a beaucoup de voies, enfin trois voies, un échangeur, tout ça, c'est très difficile à modéliser et j'ai pas eu franchement le courage de m'y attaquer. Donc on va s'intéresser donc à cette route à une seule voie toute droite. Et sur cette route, on va s'intéresser donc à des grandeurs comme le flux, donc en voitures par seconde. La densité en voitures par mètre, en gros le nombre de voitures quoi, enfin par unité de longueur, et l'abscisse. Donc l'abscisse c'est la longueur d'un point sur la route par rapport à une origine arbitraire. Donc sur notre route, on va placer un tronçon, donc en fait une section de route située entre deux abscisses, et on va s'intéresser au nombre de voitures, et plus particulièrement à sa variation, sur ce tronçon. Donc le nombre de voitures sur ce tronçon, tout d'abord, il est égal à la densité en voitures sur ce tronçon, qu'on multiplie par la longueur. Donc le nombre de voitures par mètre fois la longueur du tronçon. Et donc ça, c'est le nombre de voitures. Et sa variation, elle est égale au nombre de voitures qui entrent sur le tronçon au cours de l'intervalle de temps qui nous intéresse, moins le nombre de voitures qui en sort au cours du même intervalle de temps. Mais d'un autre côté, ce nombre-là, il est aussi égal à la variation de la densité pendant cet intervalle de temps, fois toujours la longueur. Donc en fait, d'un côté, on a notre variation du nombre de voitures, qui est égale à la variation de la densité fois l'intervalle de longueur. Et d'un autre côté, il est égal à la différence des flux, donc le flux entrant, les voitures qui rentrent, moins les voitures qui en sont sorties. Et donc cette égalité est en fait l'expression discrète d'une équation aux dérivées partielles, donc un petit monstre mathématique, qui est à la base de notre étude, puisque les solutions de cette équation seront les fonctions densité qui seront les caractéristiques de notre route. Ok. Donc cette équation, en fait, elle nous montre bien qu'il y a un lien entre le flux et la densité, puisqu'on a que la variation de la densité par rapport au temps est égale à la variation du flux par rapport à la distance. Et donc en fait, à partir de cette équation, on se dit qu'il existe un lien entre le flux et la densité. Et on va chercher donc à exprimer ce lien. Donc on va chercher à exprimer le flux comme fonction de la densité. En fait, c'est la modélisation dont je vous avais parlé et qu'on cherche. Et donc cette modélisation, c'est trois mathématiciens qui nous l'ont donnée. Donc les mathématiciens Lighty, Whittam et Richard. Et en fait, elle nous permet d'exprimer le flux comme polynôme du second degré en densité. Donc en fait, comme vous le savez sûrement, la courbe caractéristique d'un polynôme du second degré, c'est une hyperbole. Donc notre hyperbole, en fait, on va s'intéresser à sa partie la plus haute. Donc il faut l'imaginer avec qui descend en bas et à gauche. Donc elle a un sommet en haut. Et on s'intéresse à la zone du sommet, puisque c'est l'endroit où elle est positive et donc qui nous intéresse. Donc en fait, il faut voir que quand la densité est nulle, c'est-à-dire qu'il n'y a personne sur l'autoroute, bah, le flux est nul, puisque bah, il n'y a pas de voiture qui passe. Mm-hmm. Quand la densité est maximale, le flux est nul aussi, puisque en fait, le cas où la densité est maximale correspond au cas où les voitures sont par choc contre par choc et donc elles ne peuvent pas avancer. Enfin, c'est un cas hypothétique, mais le flux est nul quand même. D'accord. Et on obtient un flux maximal quand la densité est de moitié égale à la densité maximale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le cas où il y a beaucoup de monde sur l'autoroute, mais où les gens ne se gênent pas, et donc on va assez vite, donc il y a beaucoup de passages, beaucoup de débit. D'accord, donc juste j'essaie de me représenter les choses. Si on représente la chose dans un tableau avec la densité comme abscisse, voilà, on obtient une espèce de cloche. Donc, c'est ça. La densité est nulle, le flux est nul, il n'y a pas de voiture, donc voilà, il ne se passe rien. Au sommet de la cloche, c'est le flux maximum, donc avec une densité idéale. Voilà, c'est ça, la densité idéale qui est égale à la moitié en fait. C'est la cloche est symétrique et le maximum est atteint pour la densité égale à la moitié de la densité maximale. Ouais, d'accord. Et puis bah, si la courbe progresse, elle se casse la gueule petit à petit, on diminue quand il y a trop de monde sur la route, à un moment donné le flux redevient nul. C'est ça. OK. Alors, on voit bien. Voilà. Donc maintenant, on a finalement trouvé notre modélisation, donc le flux comme fonction de la densité, mm-hmm. Et avec cette modélisation, on va pouvoir chercher à résoudre notre équation aux dérivées partielles. Donc notre équation à résoudre, bah, comme je vous l'ai dit, c'est un petit monstre mathématique. Donc en fait, on va pas forcément entrer dans les détails, du coup. C'est ça. on va s'épargner des calculs assez horribles. C'est sympa. Mais par contre, les résultats, on les a. Et en fait, les fonctions densité qui sont solutions de cette équation sont des fonctions qui ont la particularité de présenter des droites caractéristiques. Donc en fait, ce sont des droites sur lesquelles la fonction densité est constante. Ok. Et en fait, ces droites, elles sont la modélisation d'ondes qui parcourent le trafic. Donc là, comme ça, des ondes qui parcourent le trafic, ça peut paraître un gros mot, mais ces ondes, en fait, on les connaît. Tout le monde les connaît. Et en fait, on les rencontre souvent dans le trafic. Donc pour ça, je vais prendre un exemple. On imagine une route où il y a beaucoup de monde, mais où le trafic est fluide. C'est-à-dire que en fait, il y a des gens devant, derrière, mais on avance sans se gêner, il n'y a pas de variation de vitesse. Et à un moment, on prend une voiture lambda, et cette voiture freine brusquement. Mmh. Elle va forcer la voiture qui est derrière elle à freiner brusquement, mmh. et ainsi de suite. Chaque voiture voyant devant elle une voiture freiner très rapidement, elle est amenée elle aussi à réduire sa vitesse. Et en fait, on se rend compte qu'on a donc un petit paquet de voitures qui ont une vitesse très réduite, mais qui sont assez proches les unes des autres finalement, parce que quand on freine, on se rapproche de la voiture de devant. On s'en rapproche. Donc on obtient donc un petit paquet, bon, mettons de 3-4 voitures qui ont une vitesse assez faible, mais qui sont proches les unes des autres. Et donc un paquet où la densité est assez importante et où elle diffère beaucoup du reste du trafic. Et en fait, ce petit paquet de voitures va au fur et à mesure du temps reculer dans le trafic, puisque à chaque fois la voiture qui pile, enfin qui ralentit brusquement, et derrière la voiture qui est déjà arrêtée. Donc petit à petit le petit groupe de voitures recule dans le trafic. Et en fait, ce petit groupe correspond au passage de l'onde dans le trafic. C'est-à-dire que l'onde remontant, elle force chaque voiture à freiner, et on voit bien l'onde remonter le trafic. Et donc cette onde, comme je vous le disais, on la connaît tous, et en fait, cette onde est à l'origine des embouteillages. Parce qu'en fait, il faut imaginer que on prend le même trafic et on lui place une onde, donc une onde de ralentissement qui remonte le trafic. Sauf qu'au lieu d'alimenter le trafic en un flux continu, donc comme je vous le disais tout à l'heure, des voitures ayant une vitesse constante et ne se gênant pas les unes des autres, au lieu d'amener ça à l'encontre de l'onde qui remonte le trafic, vous envoyez des voitures qui, au contraire, accélèrent. Donc par exemple, typiquement des voitures qui sortent d'une autre zone de congestion. On sait bien que quand on ressort d'un bouchon, on a tendance à accélérer assez violemment. Et donc vous faites rencontrer des voitures qui accélèrent avec des voitures qui doivent freiner brusquement. Donc en fait, ces voitures-là, les voitures qui étaient alors amenées à accélérer brusquement rencontrent l'onde, vont être obligées de faire varier de façon très importante leur vitesse et leur accélération, ce qui va permettre à l'onde cinétique, donc l'onde de bouchon, de se propager, et vous allez faire apparaître un bouchon assez atroce. Donc voilà, donc en fait on sait par la caractérisation de ces ondes comprendre le bouchon, mais en fait on s'est rendu compte qu'on savait assez mal le prévoir, parce que ces ondes-là, on arrive assez mal à les visualiser. C'est-à-dire que à grande échelle, donc quand vous observez une route, vous arrivez assez mal à les voir, parce que il y en a beaucoup en fait. Il est assez rare qu'il y ait une seule onde qui apparaisse comme ça. Souvent vous pilez souvent, et donc on a beaucoup de mal à les visualiser et donc à les prévoir. Donc on sait assez mal prévoir les bouchons, mais en revanche on sait assez bien réagir quand un bouchon est formé. Donc je m'explique. On sait assez bien désengorger un bouchon. Et pour ça, on s'est rendu compte qu'il suffisait de ne pas permettre à l'onde cinématique de se propager. Donc je vais vous donner un exemple simple en prenant une autre onde. Prenons l'onde sonore. Je suis en train de parler, et si vous m'entendez, c'est parce que l'air qui est autour de ma bouche et entre moi et le micro, disons, propage le son de ma voix. Mais si on empêche cet air de propager le son de ma voix, donc c'est-à-dire si on place autour de moi une cloche sans air, eh bien je pourrais crier aussi fort que je voudrais, vous m'entendrez pas. Parce que il y a pas d'air qui pourra propager mon onde de voix. Et en fait, c'est la même idée, c'est exactement la même idée dans le trafic. On va essayer de d'empêcher l'onde de se propager en coupant le flux de voitures qui arrivait et qui allait s'écraser contre les voitures arrêtées et donc propager l'onde. Et ça, on sait assez bien le faire, puisqu'il suffit en fait de limiter la vitesse des voitures étant plus en arrière dans le trafic, donc un kilométrage moins élevé. Et ça, avec des systèmes, par exemple, de limitation de vitesse dynamique, donc des panneaux d'affichage qui limitent la vitesse. Et donc, en fait, en limitant la vitesse des voitures qui arrivent au bouchon, on va diminuer énormément leur variation de vitesse, c'est-à-dire qu'au lieu de, au lieu d'être à 110 en accélérant, elles vont arriver au bouchon à 90 en décélérant, et donc l'onde qu'elles auraient dû propager, elles vont beaucoup moins la propager, elle sera complètement atténuée par cette circulation calme et fluide, et donc on aura vaincu, pour ainsi dire, le bouchon, puisque l'onde n'étant pas propagée, elle va s'éteindre, et donc le trafic va revenir à un état fluide. D'accord. Voilà, donc on a vu qu'avec une modélisation, on pouvait assez bien comprendre le trafic, et que si on n'arrivait pas à prévoir les bouchons, cette compréhension du trafic nous permettait au moins de bien réagir, je dirais, quand un bouchon est formé, quoi. Ouais. Que je comprenne bien, donc le dernier passage de ce que tu as dit, en fait, c'est la différence entre des voitures qui arrivent vite et puis une espèce de chaos qui se forme devant, qui fait que cette onde s'aggrave finalement à chaque fois que quelqu'un plante sur les freins. C'est ça, en fait, à chaque fois que quelqu'un arrive dans la zone de bouchon, finalement, là où les gens sont ralentis, s'il arrive vite et qu'il doit ralentir de façon importante, en fait, il va lui-même propager l'onde à la voiture qui est derrière lui. C'est ça, ouais. Alors que s'il arrive très doucement et que, dans l'idéal, on pourrait imaginer même qu'il n'est pas à s'arrêter, qu'il arrive tellement lentement qu'il n'est pas à s'arrêter, il ne gênerait pas le trafic et il redeviendrait fluide assez rapidement. Ouais, d'accord, totalement. Ouais, c'est un peu comme une porte anti-feu, là, comment ça s'appelle, ces trucs qui coupent les incendies. Finalement, si on arrive à maîtriser la vitesse du flux entrant pour que le choc soit moins terrible, on arrive à résorber cette onde et le trafic peut repartir. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est même le fonctionnement des salles anti-son là, avec les boîtes d'œufs là. Oui, je crois. Ouais. C'est super intéressant. Donc, en définitive, on peut pas les anticiper, on peut pas les empêcher, mais une fois qu'ils sont là, il y a moyen de les débloquer. C'est ça. Bon, écoute, c'est une bonne nouvelle. le seul problème, c'est qu'on est amené à ralentir des gens à l'arrière du trafic, donc avant le bouchon. Mm-hmm. Et les gens qu'on est amené à ralentir, eux, ils savent pas pourquoi on les ralentit, puisque finalement, le bouchon, ils le voient pas. Et donc, c'est assez dur à faire respecter, puisque pour une raison qui leur est inconnue, on limite leur vitesse, mettons, à 70. Et souvent, comme c'est pas assez peu répréhensible, on arrive assez peu à limiter leur vitesse. Ouais, c'est ça. Puis le civisme de l'automobiliste est connu. Voilà. C'est ça, ouais. On va en parler sous peu du civisme de l'automobiliste. Ok, écoute, formidable. On te tient les pouces pour ta présentation dans la vraie vie. C'est gentil. Ouais. J'espère que tu sauras le rendre aussi passionnant, aussi intéressant que ce que tu viens de faire là. C'était nickel, j'ai appris plein de trucs. Bon, évidemment, dans la vraie vie, ce sera dans la version avec équation et tout le tremblement. Voilà, j'aurais pas le droit de passer les détails. Mais je suis sûr que ce qui est marrant aussi, que tu raconteras et qu'on peut juste en parler brièvement, c'est que tu as été faire tes mesures toi-même pour voir si ça se vérifiait et pour mettre ça en équation. C'est ça. En fait, quand j'ai découvert qu'il y avait un modèle qui existait, je me suis demandé s'il était valable. Et donc, j'ai fait une série de mesures et pour le valider, oui. Tu t'es offert un week-end dans les embouteillages pour le plaisir. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Il y en a qui reculent devant rien pour la science. C'est ça. C'est magnifique. Bon, donc ça, c'était la partie science. Voilà, c'est ça. Voilà, et puis maintenant, Nico, tu vas enchaîner. Ouais, alors je vais enchaîner. Bon, je fais quand même donc un petit briefing. Donc dans l'idée, voilà, comme c'est les vacances, c'est le moment de tester plein de choses. On est en plein Festival de l'Avignon. Donc j'ai trouvé un excellent livre qui a 32 pièces, 32 scènes automobiles. Ça s'appelle « Embouteillage ». Et oui, il y a des textes assez marrants. J'ai un peu mélangé tout ça. Je vous donnerai tous les détails à la fin des auteurs que j'ai pris et compagnie. Et j'ai rajouté un peu de choses et on va voir. On va essayer de parler donc de la file, de pourquoi on a toujours l'impression que la file d'à côté avance plus vite. Alors c'est vrai dans les embouteillages, mais c'est vrai un peu dans toutes les files au McDonald's, etc. quoi. Voilà. Donc ça se passe dans une automobile avec trois personnes à l'intérieur de l'automobile. Et donc on va tenter ça. Ça vous va ? Ok, alors go, on t'écoute. Alors ça, non. Mais qu'est-ce qu'il a l'air con, ce con ? Et hop, je me fais doubler. Vous avez vu ça ? Une tête comme ça, même au cinéma, on n'en voit plus. Dans ce film-là, Frix, à la rigueur. Et encore. Il me regarde ? Non, il me voit pas. Mine de rien, il écoute la radio. Le con. Le même flash de France Info tous les quarts d'heure. Ou bien c'est Énergie. Oui, il a bien une tronche à écouter Énergie, cet abruti. Hé, hey, Britney Spears, elle va être à la retraite depuis le temps qu'on est là. Il s'en fout, faut croire. De toute façon, une face de rat comme la sienne, on peut bien se foutre du reste. C'est déjà un drame en soi. Le temps passe. L'éternité approche, comme disait ma grand-mère. Eh ben moi, je vais te dire. Encore une éternité et demie, comme ça, je me casse d'ici. J'en ai trop marre de ce bordel de chiottes. J'en ai trop marre d'être toujours dans la file qui se fait doubler. L'embouteillage. L'échec de la civilisation. Tous ces enchins. Ultra puissant, le bec planté dans la route. Moi aussi, j'ai collaboré à cette immobilité collective. Je me suis jeté de toutes mes forces dans l'immobilité. Et maintenant, chacun espère secrètement qu'au moins là-bas, plus loin, il y a des corps gisants dans des flaques rouges. Un dénouement macabre à contempler au dernier acte. Récompense pour automobilistes pétrifiés, une pétrification encore plus tragique. Si jamais il n'y a rien, nous serons déçus. Jamais on encaissera cette figuration forcée tassée dans nos moules. Elle m'a dit « Reviens vite ». Je l'ai trouvée réduite d'un coup. Il y avait ce film, ça se passait dans les embouteillages. Une fille était violée en pleine nuit par trois types maigres. Ensuite, elle errait sous une couverture, les yeux creusés. Quelqu'un jouait de la guitare, on faisait du feu, les gens se partageaient, des boîtes de thon. Solidarité à la con. Au moindre incident de parcours, il faut se serrer, trouver une confrérie, justifier le paquet. Très vite, ils feront des réunions, il faudra voter, on se cotisera. Je vais être extrêmement clair. Deux points. Ouvrez les guillemets. Écoutez, j'ai un litre de vodka dans le coffre et une cargaison de crustacés. Je vais me les taper parce que je ne suis pas votre ami. On ne se connaît pas. Vous m'emmerdez. Le cul de votre C15 m'emmerde. Non, je ne m'inscris pas dans l'atelier de Duvet. Foutez-moi le camp. Moi aussi, je suis un meurtrier potentiel. Je le sens. Je me sens agressif. Ah! Enfin, on double une voiture. Une voiture qui me double et une voiture que je double. On est à égalité. Et là, l'autre derrière, qui se fout les doigts dans le pif, j'hallucine. Plein de 4 dans le rétro, voilà. Et ses crottes de nez, qu'est-ce qu'il en fait ? Il le bouffe, ce con. Non, mais c'est pas croyable. Regardez ça. Et il voit pas que je suis en train de le mater, non ? Attends, je me retourne. Je vais lui faire un grand sourire. Tranquille, l'air décontracté. Hé, du con ! Tu veux pas mon doigt tant que t'y es ? Il est plus gros, tiens ! Et puis celui-là, regarde. Le mec, il fait carrément comme s'il m'avait pas vu, c'est dingue. J'ai l'impression d'être au musée Grévin. Ça bouge pas. Mais au moins, les cons de l'autre file n'avancent pas plus vite. Je vais vous dire ce que je pense. Nous, dans l'embouteillage, on est des oubliés du temps. Ils nous négligent. Ils passent à côté, ils n'attendent plus rien de nous. Je ne sais pas pourquoi il nous a perdus comme ça. On ne lui a pourtant rien fait autant. C'est une bonne guerre, c'est la seule vengeance qui nous reste. Tant que vous serez là, on aura le temps avec nous. Presque à demeure, presque. Votre temps est le nôtre. Et c'est le seul qui nous reste. On ne va pas vous lâcher comme ça. On se récupère sur vous du temps qui nous manque. On prend 5 secondes à doubler l'autre, et il met tranquillement 15 secondes à nous doubler. L'autre film nous vole 10 secondes. Le temps nous manque à tous ses devoirs. Comme on disait jadis dans les sociétés d'honneur, vous savez, celui-là, il m'a manqué. Il a manqué à l'amitié, l'amour, aux petites habitudes. Don Juan, il a manqué à la comtesse. Ou encore celui-là, il a manqué à son père, ses frères et ses sœurs. Ou encore il a manqué aux ancêtres et à tous ses devoirs militaires. Ou encore il a manqué à son employeur, à sa mission. Ou encore il a manqué aux grandes caresses et aux petites fleurs. Bref, à tous ses devoirs conjugaux. Ou encore il a manqué à ses désirs et il va manquer le tramway. Il a manqué à ses électeurs, aux spectateurs, à la déontologie du métier, au passage matinal de l'aspirateur. Il a manqué son destin. Et pourtant on l'avait appelé Poléon, il était si doué en maths. Et voilà qu'il manque jusqu'au rôti du dimanche. Ah, ce qu'il nous manque quand même. Et il me manque les 10 secondes de la file d'à côté. Mais non, les autres cons nous ont rien fauché, j'ai compté les voitures. En fait, si je peux me permettre. Qui parle ? Oui, bonjour, c'est Nico de Podcast Science. Mais d'où vient cette voix ? Je suis dans la radio. Vous avez tous les deux raison. Les voitures des deux files avancent en même temps. En moyenne, on double autant de voitures que de voitures nous doublent. Mais, parce que les mathématiques sont parfois perverses, les voitures qui doublent roulent, donc sont un peu plus espacées pour pouvoir rouler. Et elles mettent donc plus de temps à nous doubler. Je m'explique. Les voitures arrêtées sont collées. Donc, doubler une voiture prend juste le temps de parcourir sa longueur, disons 5 secondes. En revanche, les voitures qui nous doublent, elles, ont un petit espace entre elles. Du coup, les voitures qui nous doublent prennent le temps de la voiture plus le temps de l'espace. Et elles sont là, les 10 secondes de différence. On avance bien à la même vitesse, mais nous passons plus de temps à nous faire doubler qu'à doubler. D'où l'illusion d'être toujours dans la mauvaise file. Vous avez remarqué ? Quand le temps nous manque pas, c'est fou ce qu'il exige. Il se sert des autres pour ça. Il se servirait de la lune pour nous rabattre sur la Terre, pour nous y mettre le nez dedans, pour plier son gros paquet d'affaires indésirables. Plus qu'un quart d'heure d'éternité et je me casse d'ici, je te le jure. Je les laisse tomber, les parenthèses, et je... Mais peut-être qu'on repartira jamais, en fin de compte. C'est comme si l'autre, là, celui qu'on appelle Dieu, c'est comme s'il avait décrété qu'il en avait marre de toutes nos conneries. Comme s'il avait appuyé sur pause pour se laisser le temps de la réflexion. Comme s'il était en train de se dire, est-ce que ça valait vraiment la peine ? Mais la réponse, c'est non. Alors il nous regarde, caché quelque part. Je dirais pas là-haut, c'est tellement con. Il a l'œil braqué sur chacun de nous. Il est peut-être planqué dans le cendrier, va savoir. Et puis, il hausse les épaules, il passe ses gros doigts dans sa grosse barbe. Et puis nous, pendant ce temps, on attend. On attend son verdict. Dis donc, Dieu, t'en as encore pour longtemps, oui ou merde ? Si t'es intelligent, comme il y en a qui le disent, ça devrait pas prendre 15 plombes avant de réaliser que tout cela est grotesque. Voilà. Je suis sans voix. J'ai dû couper mon micro pour pas qu'on m'entende rigoler. Magnifique. L'histoire de la file d'à côté au moins. Ouais. Écoute, j'ai vaguement compris qu'il y avait quelque chose d'un petit peu scientifique là-dedans. Le truc scientifique au milieu qui est quand même assez amusant, je vais le reprendre 2 secondes, même s'il y a mon Nico qui l'a déjà repris au milieu. C'est que donc ce qui est marrant, c'est que même en avançant exactement à la même vitesse, on passe plus de temps à se faire doubler qu'à doubler. Donc c'est extrêmement frustrant, quoi. C'est-à-dire que même si on avance bien et qu'on n'est pas dans une file moins bonne ou meilleure, les voitures mettent plus de temps à nous doubler, donc on passe plus de temps à être doublé. T'arrives à expliquer pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on double une voiture, les voitures sont collées. Donc pour doubler une voiture, on met le temps de la voiture, donc les 3 mètres de la voiture. Quand les voitures avancent, elles sont un peu décollées. Du coup, au lieu de doubler 3, pour qu'une voiture nous double, il ne faut pas qu'elle avance de 3 mètres, il faut qu'elle avance de 4 mètres. D'accord, ouais. Et donc c'est juste ça qui donne cette impression où on passe plus de temps à être doublé qu'à doubler, quoi. Ok, ouais. D'accord. Bon, de toute façon, je vais réécouter en boucle ton intervention de ce soir. Alors, il y avait plein d'autres choses dans l'article, enfin plein d'autres choses, quelques autres choses, il n'y en avait pas non plus plein. Il y a un autre truc très marrant qui expliquait qu'on avait une perception de la vitesse sur la route qui était complètement fausse. Parce qu'on essaie dans notre tête de faire une moyenne des voitures qu'on voit autour pour se rendre compte de la vitesse moyenne des gens. Mais on remarque les mauvaises voitures, c'est-à-dire que par exemple, on voit aucune voiture qui va à la même vitesse que nous, quasiment aucune, parce que vu qu'elles sont à la même vitesse que nous, on les double jamais, ou elles nous doublent jamais. Et on voit pas énormément de voitures qui vont juste en dessous de notre vitesse, parce qu'elles mettent plus de temps à arriver vers nous. Mmh. Les voitures qui vont beaucoup plus vite que nous ou beaucoup plus lentement, elles, on les croise souvent. Du coup. Quand on va un peu au-dessus de la... Quand on est à la vitesse moyenne, la vitesse moyenne, je vais dire une bêtise. Donc, quand on est en dessous de la vitesse moyenne, on a l'impression d'être largement en dessous. Et quand on est au-dessus, on a l'impression d'être largement au-dessus. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que cette impression-là, cette fois-ci, l'illusion, nous permet d'auto-réguler notre vitesse. C'est-à-dire que dès qu'on dépasse la vitesse moyenne, on amplifie notre impression de dépassement. Ouais, d'accord. Ouais, parce que le nombre de voitures qui va un peu moins vite que nous augmente vachement. Et c'est surtout parce que les voitures qui vont un peu moins vite, on les voit pas. On voit surtout les voitures qui vont beaucoup moins vite. Parce qu'elles nous doublent, enfin beaucoup moins vite parce qu'on les double plus souvent. D'accord. Ok, je vois. Voilà, ça fait partie des anecdotes marrantes. Et alors, une dernière pour la route, qui est marquée en deux lignes pour la science, mais qui est assez drôle, c'est qu'ils expliquent que quand on augmente notre vitesse d'un kilomètre heure par rapport à la vitesse moyenne, on perd 26 secondes. Donc normalement, ça devrait perturber un peu. Attends, Dieu, tu peux répéter ? Quand on augmente notre vitesse de 1 km/h par rapport à la vitesse moyenne des voitures, ouais. On perd 26 secondes, je crois. On perd 26 secondes par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Si on avait été resté à la vitesse moyenne. Ah, d'accord. Mais c'est totalement contre-intuitif ce que tu es en train de nous dire. Ce qui est marrant, c'est qu'on gagne bien sûr du temps parce qu'on va plus vite. Ouais. Et on perd de l'espérance de vie. Ah, d'accord. Okay. On perd du temps. Et en fait, pour la meilleure solution, c'est de baisser de 4 km/h par rapport à la vitesse moyenne. Pour faire le meilleur compromis entre espérance de vie et vitesse. D'accord. Compte tenu qu'on ne va pas à des vitesses relativistiques, quand même. Ouais, voilà. Et puis bon, j'imagine. C'est un certain seuil, tu gagnes du temps en allant très vite. Mais. Préciser, mais. Encore la technologie. Plus pour l'anecdote de dire, c'est intéressant en fait d'y introduire l'espérance de vie dans le gain de temps. Ouais, c'est pas mal. La vision. Oui, ben excellent. Non, sur l'espérance de vie, par exemple, une heure passée à conduire une voiture diminue l'espérance de vie de 20 minutes. D'accord. Voilà, pas bon. Ok, ouais, bon. Je trouve toujours un petit peu perturbant ces notions d'espérance de vie, parce qu'évidemment, il faut tenir compte de l'anecdote qu'autre chose, c'est-à-dire on perd pas effectivement 20 minutes, mais bon. C'est, ouais, c'est... mais statistiquement, la probabilité de perdre sa vie pèse dans la balance, c'est ça l'idée. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Ok, je crois qu'on a Marco qui a fini par nous rejoindre. Merveilleux. Ouais, c'est là, Marco ? Oui, bonsoir à tous. Salut. Salut. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Bah ouais, on t'entend pas mal, ouais. Et finalement, t'as fait comment ? T'as rafistolé le câble qu'ont bouffé les chinchillas ou t'es sur ton non, téléphone ? Non, ben, je suis sur mon téléphone. Ok, bon, écoute, le son est pas mal du tout. Voilà, donc ben, le réseau 3G marche bien. Le hasard fait la bien. La preuve. Ouais. On va pas te demander chez quel opérateur tu aimes. Non, on va pas faire de pub. Surtout que j'aime bien le rouge en plus, donc voilà. Ouais, ça c'est dit. Voilà. Excellent. Est-ce que tu as eu l'occasion d'entendre un bout du dossier de... Ben, de... Alors j'ai entendu la dernière minute en fait. Alors j'étais surpris en fait. Je me suis dit où est-ce que j'arrive. J'avais l'impression qu'il y avait une pièce de théâtre en fait. Je suis ça. Là, c'était ça. Voilà. Ouais. Donc ça avait l'air pas mal. Donc du coup je vais réécouter. Ce qu'il faut. Vas-y. Ouais, j'allais dire ce qu'il faut peut-être. Alors on a peut-être un décalage, non? C'est possible, mais vas-y, parle tranquillement. Ouais. Non, j'allais dire, en fait, peut-être que pour comprendre la fin, il faut déjà entendre le début, quoi. Donc, c'est vrai que je n'ai pas tout saisi sur la dernière minute. Ok. Le début, en effet. Bah, je peux te dire qu'en ayant entendu le début, on ne comprend pas forcément la fin non plus. Hein. Mais bon, en tout cas, bravo pour l'originalité. Hein. C'est les vacances. Je vais peut-être préciser juste les auteurs que j'ai utilisés. Ouais, volontiers. Donc c'est donc un texte qui s'appelle Embouteillage 32 scènes automobiles et qui est aux éditions théâtrales et donc qui regroupe plusieurs textes d'auteurs que sur les embouteillages, donc c'est assez drôle. Le premier où il y a le mec un peu désagréable qui dit des insultes tous les trois mots, c'est un texte de Raphaël P.O. qui s'appelle Tout seul dans ma parenthèse. Un peu désagréable, j'aime bien. L'euphémisme. On l'a tous déjà fait un jour, quoi. Le côté je me moque des gens autour parce que je m'emmerde. Donc. Le deuxième qui est parfaitement glauque comme il faut, le temps que je retrouve pour ne pas dire de bêtises. Alors, je l'ai noté, excusez-moi, je vais y arriver. Voilà. Donc c'est toujours dans le même bouquin, bien sûr, et ça s'appelle Cessation d'activité, et c'est de Sophie Lannefranc, Donc le texte est beaucoup plus loin, c'est un extrait sur donc, l'embouteillage et qu'on attend absolument que quelqu'un se fasse cueillir un accident grave au bout pour pas qu'on ait attendu pour rien. Mmh, formidable. Des textes sur le temps et sur le fait que le temps nous vole des choses. Alors dans chacun des textes, j'ai rajouté les parties où ça parle vraiment de doubler la file qui n'y était pas dans le texte original. C'est un texte de Philippe Lançon qui s'appelle Le temps nous manque à tous ses devoirs. Voilà. Ok, excellent. Bon bah écoute, t'as recalibré le genre là, t'as défini le nouveau standard. À partir de maintenant, les dossiers, on sait comment les présenter dans Podcast Science. Ouais, il y avait quand même peu de science par rapport à d'habitude, quoi. C'est vraiment un sujet d'été. Yep. En parlant de sujet d'été, on va peut-être évoquer le dossier de la semaine prochaine. On poursuit avec la série légère sur les sujets d'été. Après les embouteillages, on va parler un peu de la sieste. Pour être honnête, je ne sais pas encore ce qu'on va en dire parce que je me suis dévoué et j'ai expérimenté à la place de rédiger. Et oui, on ne recule devant rien pour faire avancer la science. Expérimenter quoi ? Bah la sieste, pardi. Alors, quelques conclusions préliminaires. On ne peut pas rédiger un dossier podcast science pendant qu'on fait la sieste, même si on y pense très fort auparavant. Mais bon, j'ai quand même feuilleté un peu de littérature scientifique en m'endormant, hein. Alors par exemple, je peux vous dire que, contrairement à une idée reçue, il ne suffit pas de s'endormir en écoutant un nouvel épisode de son podcast préféré pour le connaître par cœur au réveil. Par contre, si on s'endort en écoutant un épisode qu'on a déjà entendu, de nouvelles recherches indiquent qu'on le mémoriserait plus facilement. Je peux vous dire aussi que sieste et mémorisation entretiennent une relation passionnée. Et surtout, qu'une sieste, ben, c'est comme un œuf à la coque. Trop rapide, c'est loupé. Trop long, c'est pire. La sieste est une science exacte. Alors, si je n'ai pas passé tout mon temps à dormir d'ici là, et si vous ne vous êtes pas endormi en écoutant ce teaser, eh bien, rendez-vous le jeudi 19 juillet pour voir ce que la science a à nous dire sur cet art subtil et délicat, malheureusement trop peu encouragé sous nos latitudes. Le teaser le plus soporifique de l'histoire du podcast. Ah, excellent, excellent, Alan, bravo. Ouais, magnifique. T'as réussi à me faire bailler deux fois. C'est bien, hein. Ah ouais, c'est... Et le bruit des cigales, top. Merci Marco pour l'enregistrement du bruit des cigales. Bon, ben ça c'est pour la semaine prochaine. En attendant, on est arrivé à l'heure que tout le monde attend. Heureusement qu'on a Marco sous la main parce que c'est l'heure de la quote. La quote en anglais de Marco. Ok. Americans will put up with anything provided it doesn't block traffic. Et c'est de Dan Wasser. Voilà. C'est tout. Allez, à la semaine prochaine. Non. Alors, je te laisse la traduire, Alan. Ouais. Ok, bah, c'est les Américains composeraient avec n'importe quoi du moment que ça ne bloque pas le trafic. J'ai trouvé ça très drôle et très à propos. Je ne sais même pas qui est l'auteur, d'ailleurs. Dan Rather. Hein. Pas la moindre idée de ce qu'il fait dans la vie, ce garçon, mais voilà, c'est cette circonstance. Type bien. Ouais, absolument. Avant de se quitter, on va peut-être faire un tout petit point sur les épisodes à venir, très rapidement. Donc, il y a peu de vacances pour Podcast Science. Alors ouais, les uns et les autres, on va partir en vacances, on sera pas forcément toujours là, mais le podcast continue jusqu'à la 100e déjà, qui marquera la fin de la saison 2. Ce sera le 23 août. Notez bien la date. Essayez d'être là pour le live, ce coup-là, ça vaudra la peine. Ouais. Exceptionnel, on peut le dire. Ouais, live exceptionnel. On va faire ça depuis la Suisse. On sera tous réunis dans une même pièce, si tout se passe bien. Enfin, tous ou presque. Et peut-être même plus que tous, hein, qui sait. Ouais, va savoir. Bon, après, il y a la question du logement. J'ai cherché Hilbert sous hôtel à Lausanne. J'ai pas trouvé d'hôtel infini pour caser tout le monde. mais on trouvera bien une solution. C'est pas exactement quelle sera la formule, mais on essaie de vous préparer, de vous mijoter un truc plutôt, plutôt sympa. Donc voilà, et puis après, ben, on se permettra quand même de prendre une ou deux semaines de vacances avant d'attaquer avec la troisième saison déjà, ce qui ne nous rajeunit pas du tout. C'est ça. Voili voilou. Nico, t'es avec nous la semaine prochaine, non hein? Non, mais peut-être que je vais faire un petit topo envoyé spécial, surprise, je vais voir si je trouve des choses. D'accord, parce que tu... Parce que je suis au Festival d'Avignon et donc peut-être que je vais essayer de trouver des pièces scientifiques pour vous en parler dans un petit pitch. On te fait confiance. Même s'il n'y a pas de pièces scientifiques, mon petit doigt me dit que tu vas nous en dénicher une. Ouais, je vais bien dénicher quelque chose, on verra, histoire de faire un envoyé spécial. C'est les vacances, tout est permis, c'est ça. Excellent. Bon, ben, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, Nico. Ouais. Ok, Marco, je pense que si tu as réussi à patcher ta prise ADSL, tu seras là aussi. Oui, oui, oui, ben, c'est surtout si j'ai fini le boulot. Parce que ça va être assez aléatoire. Mais parce que pour la prise ADSL, je devrais avoir la fibre optique dans la semaine. Donc, magnifique. Grand événement. Ouais, c'est donc, la classe. Voilà. Et puis Cyril, on te souhaite tout le meilleur pour ta soutenance. Bon courage. Ça va bien se passer. Bah, merci beaucoup. Tu nous tiens au courant Ouais, bah, au pire, vous aurez des nouvelles par Franck. Hein. Ok. Et puis bah moi je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de participer à cette petite aventure, comme je disais, à cette joyeuse aventure, je crois que j'ai dit. J'aimais bien l'expression. Joyeuse, effectivement. Bah, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous. On se retrouve la semaine prochaine. Alors à bientôt. À bientôt. Ciao ciao.